Tu l'avais en main, tu t'en as. Mais vous avez une grâce de vie, Anne? Oui. Ah bon? Ça, on a dit toujours le coup de boy. Peut-être que je fais la ménage, je fais la ménage. Yo, ma credito, oh, ma come credito di loro? Ma come credito, chi chiede di loro? Voilà! Oui? Hein? Et moi, je suis sûre qu'il a fait un travail de choses, on va d'abord. T'as déjà regardé encore là-bas ce qu'il y a? Hein? Bien, on va encore regarder les autres cadeaux, bien attends, vite. Attends, j'ai d'abord l'idée de la veste. Ah, attends, papa, il a la veste. Regarde, papa, il a la veste comme vous. Il a tout ça, papy, papy, mais ça va sur la tête. Tu vois? Regarde, voilà, papy. Regarde, ma papy, mais ça va sur la tête. Tu veux parler? Tu veux parler ou pas? J'ai déjà dit ça. Tiens, Stéphane. Tiens, papa, il va faire des photos. Prends le revolver. Puis tire sur papa. Tire un peu sur papa. Comme ça. Tire. Pam. Pam. Vas-y. Pam. Tu vas tuer ça. Pac. Tire un peu sur papy. Oh, un cow-boy. Oh, le bas. Dis donc. En fait, ça vous a l'air un petit peu plus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il a encore apporté deux choses. Regarde un peu. Et ça, c'est marqué encore, dessus. Il a encore Stéphane. Des choses. Ça aussi, c'est pour Stéphane. Tu ouvres. Tu ouvres. Viens, on va regarder tout ce que le canot est là. Va regarder avec papa. Viens. Viens, on va le regarder avec papa. Viens. Stéphane. Vas-y, je viens. Regarde. Oh là là! C'est pour faire la musique? C'est pour faire la musique, ça? Si. Attends, papa va vous venir, hein? Si, attends, regarde, papa. Attends, le papa, il va te montrer comment ça marche. Si, attends, regarde, papa va te montrer. Oui, attends. Écoute-moi, Stéphane, attends. Attends. Mais ne le contrarie pas. Oh, je me donne de bec. Tape dessus, fais un peu de bec. Si, regarde. Non. Viens, on va encore regarder. Oui, mais j'aime bien. Ouais, clope, t'as pas mangé comme ça. Venez, mais j'aime bien, c'est un marché, moi, c'est le repas. Et puis ça, ça aussi, c'est marqué dessus. Stéphane, c'est marqué. Stéphane, le jeune, monsieur Stelon. Et puis en poudre. Va un peu vite, va vite voir. Va vite voir, encore. Non, c'est pas. Attends, qu'est-ce qui vous va? Ah, die wäre leer. Du kriegst gemacht. Papa, il fera ça pour toi, hein? Bon, on va regarder du papier. Alors, on continue. Viens voir encore poulet. C'est aussi pour faire de la musique, oui. Jésus, c'est qui fait ça? C'est un petit clou? Hein? Mais pour qui sont ces skis, là, maman? Pour qui sont ces skis? Ah, ça c'est parti pour papa. Hein? Ouais, et ben mon vieux, il est grand finalement, alors. Oui. Moi j'ai vu qu'il est petit. Papi! Papi! Hein? Qu'est-ce qui est marqué là-dessus? T'as remarqué Anne? Oui, attends. Il y a encore des choses, maman. Viens voir. Il y a encore des choses. Et Stéphane, viens voir. Bon, voir. Et Père Noël, il y a encore à manger. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il a encore apporté? Encore un aspirateur, encore des jouets, hein, peut-être. Viens voir. Encore des jouets. Viens voir, bonhomme. Ça, papa, il va te faire. Non, ça, c'est pour faire la musique. Attends, papa, il va te faire. Papa, il va le faire, attends. Viens voir, bonhomme. Regarde, moi, je crois qu'il y a encore quelque chose qui s'est pas mis là. Regarde. Non, c'est pas un peu. Tu vas bien comme ça. Prends. Et encore ça. Mais tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas ouvrir les deux. Viens, maman va t'aider. Viens. Papa, il va te. Mais ton cutter, il est là-bas. Viens voir, on va regarder ce que c'est. Ouais, non. Stéphane, viens regarder, viens. Stéphane. Non, il n'y a pas d'aspirateur. C'est quoi, tu m'as remarqué. Là, là. Oh, Anne-Marie, on a dit. Sinon tu peux pas guérir, c'est un suppositoire. Ça brûle. Ça brûle. Tu veux qu'on m'en mette de la crème? Non. Non? Je veux pas que je mette de la crème, fais le petit kiki. Ça va tout de suite. Ça brûle dedans, hein? Tu sais, c'est parce que tu en as eu beaucoup déjà, hein? Mais il faut encore, hein? Il faut encore en donner poulet. Non. Encore demain, et puis après c'est fini. Hein? Non. Viens voir ma petite, hein? Ah ben, on va se faire tout beau, hein, pour quand Pépère et Mère viennent. Hein? Oui. Après, on va faire des belles photos avec le sapin. Oui. Hein? Oui. Oui. Non, mais est-ce qu'elle même m'a fait où c'est dans le monde? Oui, mais c'est plus hard, dans ce cas-là. Oui, je sais, pupille, tu les suppositoires. Mais il faut en mettre. Tu sais comment, petit, la bougeole, elle ne peut pas guérir. Hein? Non. Tu comprends ça? Non. Tu comprends pas ça? Non. Je vais la faire de voir. Tiens. Va Le papy, toi. Il reste toute la journée chez nous. Et puis demain, encore une fois. Hein? Non, ça va pas. Qui s'en va? Papy, mamie. Mais non, ils s'en vont pas. Papy reste là. Ils vont manger avec nous à midi. Hey. Ils vont manger avec nous ce soir. Tu veux que je reste? Hein? Ouais. Tu veux que je reste? Oui. Je reste avec toi pour jouer avec toi. Mes mères et tes pères vont venir tout à l'heure. Tu es content? Non. Tu es bien content? On va jouer avec un petit pour venir avec la scie. Ouvre la biche. Hein? On va jouer avec un scie. Ça va, papy, toi tu as fait le ménage de la chambre. Hein? Bah, moi, elle a nettoyé. Alors, tu vas lui donner toute la chambre. Oui, maman elle a le grand et c'est pas du mal au petit. Maman, il y a beaucoup de saleté hein, dans les deux pièces. Elle veut qu'il y ait de saleté. Oui. Attends, tu veux bien. Pour moi, pour les papis. Hein? Les papis. Bah, papi, il est là. Tu vas pas bien. Oui. Tu l'as pas vu? Mais il est là. Thank you. Là, il y a le petit lit. Tu sais, il y a un autre petit revolver, comme ça, un petit pistolet. Va les chercher, tu vas les chercher. Non. Si. Tu vas tout casser. Il faut parler derrière la télé, tu vas tout casser, tu vas. Tu vas. On va chercher le pistolet. Hein? On va chercher le pistolet. Là, j'ai tout pour Noël. Hein? Et j'ai qui pleure. Oui. Oui. Et j'ai qui pleure. Pleure. Et j'ai qui pleure. Qui pleure? Les yeux. Les yeux. Yeah. C'est tombé, hein?